Les fonctionnaires des ministères et établissements centraux, les cadres et travailleurs des usines et entreprises de tout le pays s'engagent dans la campagne contre les dégâts de la sécheresse. Dans les fermes coopératives de la province du Fin et du Sud, les plus grandes victimes, le ministère de la Métallurgie, le ministère de l'Industrie d'Extraction, le ministère de la Protection du Territoire National et de l'Environnement, le ministère du Travail, la Direction Nationale de Contrôle des Affaires Maritimes, etc., ont arrosé intensivement les champs et rizières et fourni beaucoup d'équipements comme pompes et pulvérisateurs, les matériaux et les vivres, pour ainsi encourager les agriculteurs. Dans la ville de Caisson, le ministère des Chemins de Fer et la Direction Générale des Expéditions à l'étranger ont mobilisé tous les moyens de transport de l'eau, les petites pompes mobiles et les pulvérisateurs contre la sécheresse. Les usines et entreprises de tout le pays, comme la Direction Générale de l'Industrie Minière du district de Tanchon et l'usine de fil électrique 326 de Pyongyang, assurent-t-on les équipements et matériaux nécessaires à la campagne contre la sécheresse.